Bonjour à tous, nous y sommes, c'est bien Cargo Cult. Et le cargo culte de ce jour est consacré à... c'est une Madeleine de Proust pour moi. Non, j'étais à peine né quand le truc arrive. Mais c'est une Madeleine de Proust tardive pour pas mal d'amoureux de dance music. Et surtout des dénicheurs de samples comme ça, un petit peu obscurs. Je vais parler de peut-être le meilleur groupe intergalactique dont on n'ait jamais entendu parler, ou presque à l'époque. Il s'agit de Rotary Connection, groupe de Chicago qui va commettre 6 albums juste entre 1967 et 1971, c'est assez énorme. 6 albums absolument somptueux, mais spécialement à marquer finalement d'une pierre blanche et sublimissime. Le tout premier album, Rotary Connection, c'est le titre éponyme, et le dernier, c'est celui-là dont on va parler, I Love, de 1971. Bon, et puis j'avoue que j'hésitais entre parler soit du premier, soit du dernier, et puis j'aurais tout aussi bien pu parler d'un disque intermédiaire. Enfin, le premier et le dernier sont extrêmement symptomatiques, voire idiomatiques d'un parcours incroyable, d'une aisance et d'une haute volée de compositions, de talents de musiciens, d'arrangements qui étaient, on peut le dire, pas égalés à l'époque, même par les plus grands. Et le truc, c'est que c'est resté un groupe local, Chicago. Alors, c'est resté un groupe local, et puis finalement, ça aura été réhabilité par pas mal de voix, notamment par les DJ plus tard, mais aussi par les carrières solo de ses membres, et notamment la chanteuse du groupe, Minnie Riperton. Et elle, Minnie Riperton, va connaître vraiment une aura de star incroyable, laisser quelques tubes assez magiques, notamment une chanson... meringuée, mielleuse, cheesy à souhait et indépassable de beauté et de qualité dans un genre totalement romantique. Voilà. Minnie Riperton, puisqu'on en parle maintenant, mais j'en parlerai peut-être plus après, c'est l'exact opposé de Betty Davis dont on parlait la semaine dernière. C'est pas du tout... Et alors, en même temps, c'est le même camp. C'est-à-dire qu'on est dans une musique noire, on est une musique qui est gorgée de soul, qui va embrasser le funk, etc. Et alors, évidemment, on n'est pas du tout dans le même... Voilà, c'est l'ours et la poupée, quoi. Alors, allons-y maintenant sur Rotary Connection. De l'or noir tombé du soleil, ainsi titrais-je cette émission. Oui, parce que le tube, le morceau qui est finalement conclusif de l'énorme carrière de Rotary Connection, alors énorme en densité, mais pas du tout dans le temps, puisque 4 ans, c'est pas grand-chose, c'est The Black Gold of the Sun. Et voilà, vous googlez le truc et vous tomberez sur pas mal de reprises, et vous tomberez certainement comme première occurrence sur la reprise qui a finalement réimposé un statut de Rotary Connection qu'on avait fait les Master Artwork, donc combo de DJ new-yorkais, mais sous couvert de leur projet New Hurricane Soul. Voilà, projet truffé d'hommage comme ça à leur père, qui retate de cela Rotary Connection. Voilà. Une reprise pleine d'amour, mais finalement tellement dans la référence qu'elle était, elle n'était pas même à la cheville de l'original, et ça, je le prouverai très bientôt. Alors oui, j'ai choisi donc ce dernier album parce qu'il est conclusif d'une démarche assez particulière qui commence donc en 67. Le groupe se crée, et c'est pas du tout un groupe qui se crée entre potes dans un garage. C'est un groupe de requins qui est d'emblée commandé par Marshall Chess. Chess comme les échecs. Mais Chess surtout comme le label tutélaire du blues et d'une grosse partie de la soul de Chicago. Marshall Chess, c'est le fiston en fait du fondateur de Chess Records, Leonard Chess. Donc Chess Records, c'est dans l'histoire de la musique, c'est au moins aussi fort que Motown, si vous voulez, quoi. Donc il y a Motown à Détroit, et pas très loin, à Chicago, dans l'Illinois, au cœur du Midwest. Chess Record. Et le fiston Marshall Chess, le label a déjà, c'est déjà électrifié énormément. Tout le blues électrique de Chicago, dont B.B. King est probablement l'un des tutélaires les plus affirmés, c'est fait chez Chess Record. Le label vit très confortablement, évidemment, ainsi que les musiciens qui y travaillent. Donc il y a cette idée de créer un band, mais qui soit en symbiose avec l'humeur psychédélique de l'époque. Alors voir une humeur pré-psychédélique, en 1967, le psychédélisme est là, mais il n'a pas envahi les trucs, il n'y a pas encore d'énormes tubes. Il y a probablement eu une déflagration mondiale qui n'est même pas à répéter ici, avec l'album Revolver des Beatles, et puis notamment ce fameux dernier morceau qu'introduisait des bandes à l'envers, des sitars, etc. All Tomorrow Knows, qui a marqué la Terre entière, en tout cas les musiciens aguerris de technologie à l'époque. On va pas refaire l'histoire, mais ce morceau-là, effectivement, va être le starter de plein de trucs. Et de manière peut-être un peu moins, beaucoup plus sibylline et moins voyante que dans les rockeux psychés purs et durs, hein. Je pense à Frank Zappa, je pense à Biff Hart, je pense à tous ces gens-là, qui, quand bien même, ils sont extrêmement assis sur la culture noire, une forme de blues, voire une forme de soul, ou de jazz. C'est une expression un petit peu blanche, ou au moins métissée. Rotary Connection, groupe black, mais métissé lui aussi, racialement, et d'emblée assis sur un héritage de soul, voire une forme de proto-funk, qui sont pile poil à la charnière de quelque chose, qui n'a pas encore complètement de nom à l'époque, et qui surtout va être baigné d'une qualité d'arrangement, d'une sophistication qui laisse pantois. Et ça, c'est presque en désaccord avec la sauvagerie et l'exaltation supposée du psychédélisme, et voir bien sûr cette sauvagerie encore plus déployée par les artistes funk dans la foulée de James Brown. Rotary Connection ne sont pas dans ce camp-là. Ils sont dans le velours. Mais un velours qui n'est pas non plus neutre. C'est un groupe qui s'engage, c'est un groupe qui va protester contre la guerre au Vietnam. Ça leur jouera d'ailleurs quelques tours. Notamment un disque qui n'était pas distribué parce qu'on n'avait pas aimé leur prise de position. Enfin, voilà le genre de choses. Mais je reviens en 67, donc le début. Marshall Chess donc a l'idée de ce groupe. Et celui qui va vraiment le constituer, c'est quelqu'un qui s'appelle Charles Stepney. Charles Stepney est un extraordinaire arrangeur, un multi-instrumentiste et un compositeur d'exception. Et donc, il va mettre au point un groupe de 8 musiciens, alors qui contient 2-3 chanteurs, et même une background singeuse, donc une chanteuse d'arrière-plan, qui va très vite devenir la chanteuse principale du groupe. C'est donc la fameuse Minnie Riperton. Et d'ailleurs, le groupe va connaître plusieurs noms, c'est marrant, ça va s'appeler Rotary Connection au début. Et puis très vite, ça devient Rotary Connection et Minnie Riperton. Et quant au disque là dont je parle, lui, le tout dernier, s'appelle un petit peu curieusement The New Rotary Connection. Parce qu'effectivement, le personnel avait pas mal changé. Mais enfin, personne ne faisait attention, on a toujours dit Rotary Connection. Le groupe, qu'il soit new ou pas new, est effectivement, donc strictement et principalement mené par Charles Stepney. Attention à citer aussi comme compositeur principal Richard Rodolphe. Richard Rodolphe est le compagnon, il va devenir le mari de Minnie Riperton. Voilà. Et cette voix totalement hallucinante de Minnie Riperton. Et là encore, je fais la comparaison avec Betty Davis, c'est-à-dire que Betty Davis a une voix ultra rauque, très concentrée, volontiers grave, et puis ma foi, sur un octave et demi, quoi. Peut-être qu'un octave, il n'y a pas besoin de plus. Avec Minnie Riperton, elle va allègrement sur les 4 octaves. J'ai lu dans une vieille biographie qu'elle avait 4 octaves dans la voix, et maintenant on dit qu'elle en a 5. C'est un peu comme Imasuma, qu'on rajoute des petites gammes. Mais en tout cas, elle est effectivement dans une excellence de voix. Et puis carrément des accents comme ça, très aigus, qui se rapprochent d'une voix d'opéra, quoi. C'est assez étonnant dans une musique soul ou post-soul. Alors, les 6 albums de Rotary Connection, je répète, 6 albums enregistrés en 4 ans, toujours sur la direction de Stepney, se sont avérés vraiment révolutionnaires. Une fusion de style absolument époustouflante, glorieuse, j'ai envie de dire, qui va mixer des arrangements de cordes totalement luxuriants avec avec des fuzz guitares, avec du theremin, puis quelques petits objets de synthèse, mais balbutiants, hein, 67, quoi. Et puis cette voix de Minnie Riperton, alors qui n'est pas la seule non plus. C'est-à-dire que voilà, vous allez entendre, c'est luxuriant, il y a des chœurs, il y a aussi une voix de basse qui est absolument formidable. Tout le monde s'y met, Richard Rudolph lui aussi chante très bien. Enfin bref, tout le monde est trop bon, quoi. J'ai trouvé une photo de presse qui était... Et alors, on la retrouve un peu reproduite dans un disque d'une réédition, mais un peu... Il ne fallait pas trop mettre ça en avant, mais... Donc, j'insiste sur le fait que c'était un groupe mixé. Black et blanc, plutôt black quand même, mais blanc. Il y a une photo un petit peu aérienne, presque comme on les prendrait aujourd'hui en hauteur avec un drone, où on voit tout le groupe allongé, ils ont les têtes l'une à côté de l'autre, ça forme un arc de cercle. Et ma foi, on voit clairement Minnie Riperton qui récupère un joint de son pote à côté. Alors, il n'y a pas un gros plan sur le truc, mais enfin, on comprend bien que si on est comme ça, extrêmement bucolique, la tête dans l'herbe et le regard vers le ciel, et qu'on se passe une cigarette en 1970, et on peut supposer que ce n'est pas une gauloise, quoi. Voilà. Mais de fait, en faire une photo de presse dans cette année-là, c'était plutôt pas évident, quoi. Et je pense que le groupe, de fait, a pêché comme ça par une forme d'orgueil hyper classieux. Ils savent très bien qu'ils sont d'excellents musiciens. Ils n'ont pas envie de se commettre avec des pas bons. Et du coup, ils sont restés dans un culte régional très fort, en faisant énormément de concerts, mais en quittant pas Chicago, ou en tout cas le Midwest. Et de fait, peut-être que leur insuccès notoire, en tout cas à cette époque-là, vient de mauvaises décisions. Alors l'une qui était probablement la plus mauvaise, c'est d'avoir refusé de jouer à Woodstock. C'est malin, ouais. Et tout ça sous la pression de leur manager, qui finalement leur avait trouvé une autre date beaucoup plus lucrative à Toronto. Certes, mais voilà, ils ont raté Woodstock. Or, quiconque a fait Woodstock est resté dans l'histoire. Quiconque. Ma foi. Il y a Sly and the Family Stone à Woodstock. Alors, j'ose imaginer ce qu'aurait pu donner Rotary Connection d'un côté et Sly and the Family Stone. C'eût été... Voilà, mais refaisons pas l'histoire, plutôt redécouvrons-la avec donc le disque maintenant auquel je viens de 1971. Ça sent la fin, mais c'est un chant du cygne absolument merveilleux. J'ai déjà dit, et j'insiste sur le fait que Rotary Connection ne laisse pas de traces, en tout cas pas immédiates, mais que leur aura va grandir finalement jusqu'à devenir incontestée aujourd'hui. Et en fait, peut-être spécialement pour un titre, « I'm the black gold of the sun ». Ce titre-là, on l'entendra assez vite dans la playlist de l'album. C'est le troisième. Les trois premiers morceaux sont absolument somptueux. Enfin, croyez-moi, il n'y a absolument rien à jeter. C'est du velours, c'est du diamant, c'est une pierre précieuse. Et donc, cette remise au goût du jour de Black Gold of the Sun, qu'on voit à New Recon Soul dans leur projet House Garage de 1997, si je ne m'abuse, c'est ça, fait suite quand même à une réappropriation un petit peu culte comme ça, mais plus ou moins confidentielle, du groupe Rotary Connection et par voix de sample, par des DJ et des rappeurs inspirés. Et à mon avis, ça commence probablement avec le Bonita Appleboom de A Tribe Quest. Et puis finalement, ça ne s'est pas arrêté depuis. Et très dernièrement, Solange, la petite sœur de Beyoncé, très talentueuse au demeurant, a emprunté justement à ce même sample-là. Et là, c'était il y a 2-3 ans, quoi. Bon, et entre-temps, Cypress Hill... DJ Shadow, voilà, pour citer des colosses et puis des gabons, quoi. Alors, ce LP, A Love, 1971. Voilà, oui, les deux mots sont importants. A Love, c'est un disque d'amour, ça dégouline d'amour, ça dégouline de beaux sentiments, mais dans le vrai sens du terme, dans le truc chouette, quoi. C'est d'autant plus étonnant que ce chant du cygne, j'insiste là-dessus finalement, est commis juste après que Minnie Riperton ait déjà entamé une carrière solo. Elle a sorti son premier album juste un an avant, un très beau disque aussi, mais avec le même personnel, avec la même production, avec le même arrangeur, le Come Into My Garden. C'est le premier, elle en fera d'autres. Ce premier disque, exactement comme le disque Rotary Connection, resteront confidentiels, mais, Et là, je fais presque un petit peu un... je tease un petit peu sur la fin de l'émission, mais, et tant mieux, dès le deuxième album, ce sera le carton plein de Minnie Riperton. Mais attention, carton plein, ça veut dire aussi une autre époque, une autre vie. Bref, Rotary Connection est mort. Et quasiment enterré jusqu'à ce que finalement ce soit de manière plutôt opportune et enfin salutaire, déterré dans les années 90. Alors, bienvenue dans ce disque, vous allez voir que... Il vous coupe la voix, ce disque. J'insistais sur la luxuriance des arrangements et qui vont clairement dans quelque chose de presque cinématique. On est très empreint de jazz et dans une vraie sophistication qui s'éloigne du psychédélisme début. Et il y a un vrai lien à faire avec Burt Bacharach et des choses comme ça. Avec des évidences et des maestrias mélodiques au service d'arrangements. Voilà, il y en avait trois sur Terre qui pouvaient faire le truc, quoi. Et en général, ce qu'ils font, Burt Bacharach, tout le monde le connaît. Rotary Connection, non. Charles Stepney, non. Il y a des ratages comme ça, insensés. Donc, il y a cette progression du psychédélisme à l'ultra-classieux... jazz cinétique dont je parle aujourd'hui. Et avec un personnel relativement réduit, il y a un bassiste, un conga, des drums, voilà, deux guitaristes. Bien sûr, Charles Stepney, alors qu'il fait office de producteur, d'arrangeur, il co-signe aussi des chansons. Alors qu'est-ce qu'il joue? Du piano électrique, de l'orgue, je crois même qu'il y a un clavecin à un moment. Ouais, il manque rien, quoi. Bien sûr, la voix de soprano de Minnie, la Minnie Riperton. Et Kitty Howard, qui est aussi sur l'alto, elle est parfois du soprano. Chanteur, Dave Scott aussi. Voilà. Donc, tout ce beau monde, parce que non, c'est pas un rock band comme ça, il y a quatre sur scène, va proposer ces 40 minutes que je vous offre là. Hell Love de 1971. C'est une merveille absolue. C'est un trésor retrouvé. Et ma foi, vous allez voir comme ce retour pourra puis en inspirer d'autres par la suite. On se retrouve dans 40 minutes après cette écoute totale, entière et sublime de cet album Hey Love. C'est pour vous, mes amours. Bonne écoute de Cargo Cult. Shade. it's so dark, and there's no light to guide you. You turn your head, and you'll find that she said, how nice it was just to know you. You walk the sand, and you search your hand for something to remind you. You think of her and how she'd smile, the way a star would glisten. Ha! Her laugh would roll way atop the wave. Ah! And the moon would stop just to listen, yeah. But now she's gone. Does life go on? Is it not worth the living? Is it just not worth the living? Yeah. So thank you. hanging round the beech tree, hanging round the beech tree. Trying to get near the queen bee. Oh, I'm trying to get near the queen. They say if you love the queen bee, oh. Never gonna live to see the

heard the music in your concrete canyon. Yes, I have lonely echoes of the public house in blues. And right now the poor girl has got a bitter, bitter sweet companion. Yes, sir. And some other things she did not choose. Yeah. Oh, hey, it's happening out here every day, and I know it is. Yeah, hey, it's happening out here. What is left of dreams that fade and die? Now maybe I can hear the song to call all the people young right now. And maybe we could find the answer. on s'évade ainsi. Ça s'arrête comme ça. C'est frustrant d'ailleurs, on en veut plus. Alors ok, ami du death metal, j'ai bien conscience que là on est dans une guimauve qui est tellement luxuriante, pleine d'amour et de grâce indépassable, que ça devient c'est l'équivalent du hardcore quoi pour des personnes non intentionnées. Mais oui, je ne vais pas sourire, il y a quelque chose qui, à mon avis, qui n'avait jamais été fait à cette époque-là, qui a suscité l'admiration de tout le monde et qui sera très très peu égalé par la suite. Rotary Connection fait typiquement partie de ces groupes de musiciens pour musiciens. La preuve en est, en fait, des succès posthumes qui vont se faire en fait assez rapidement. L'une des dernières chansons qu'on écoutait, l'antépénuptienne exactement, c'est une chanson en fait de Terry Callier. Terry Callier n'est pas connu à ce moment-là, il va l'être après. Bon, Terry Callier, c'est un natif de Chicago aussi, il est de la même génération. Et puis, comble aussi de perfection, il sera lui-même produit par Charles Stepney avec ses arrangements aussi très très luxuriants qui définissaient le son et le style de Rotary Connection. Mais finalement, avec Terry Callier, ils trouveront un public en se rapprochant peut-être du folk et avec un peu moins de complexité dans les arrangements, quand bien même la production restait absolument belle. Il faut aussi préciser que tous ces musiciens haut de gamme bénéficiaient de techniques d'enregistrement absolument haut de gamme aussi, hein, donc il manquait de rien. Ce qui manquait, c'est la rencontre avec les publics. Mais tout le métier les admirait, et autre titre pris presque dans la foulée dans les 3 ans qui suivent par Chaka Khan, et qui connaîtra un succès avec. Et puis bien sûr, la song... j'oserais dire indépassable, le fameux I'm the Black Gold of the Sun, qui va devoir finalement sa postérité aux reprises très tardives qui vont arriver à la fin des années 90, sous l'expertise assez aguerrie des DJ et housemakers du moment. Il était temps, mais ce fut long. Et cet album sublime qui conclut la carrière de Rotary Connection, c'est un disque de crise. C'est un disque de crise, puisqu'il d'abord, le groupe lui-même n'est plus tout à fait structuré comme à ses débuts. Minnie Riperton a commencé sa carrière solo, superbe, mais c'est là encore un faux départ, ça ne trouve pas plus son public. Et du coup, il y a un creux, juste après ce disque-là, où pendant 2 ans, le couple Minnie Riperton et Pete Rutherford, qui vont se marier, puis avoir un enfant, va travailler avec Stevie Wonder. Et Minnie va être dans les background vocals de Stevie Wonder. Et puis alors, le Stevie Wonder qui sort à ce moment-là, les Superstition, enfin, c'est très gros trucs, quoi. Et qui, eux, font trouver leur public, et puis qui vont être probablement Stevie Wonder à son sommet. Stevie Wonder, comme plein d'autres, est admiratif des Rotary Connection. Totalement admiratif de la voix de Minnie Riperton. Alors Minnie Riperton, pour la petite histoire, c'était d'ailleurs la seule qui n'était pas professionnelle à l'origine du groupe. Elle était toute jeunette à 18 ans, standardiste. C'est chasse aux cordes, même avant, je crois qu'elle avait. Et ma foi, elle a bien fait de laisser tomber quand même son job de réceptionniste et elle a excellé comme on l'entendait là et puis comme on va l'entendre maintenant. Parce que justement, je viens à Minnie Riperton. Il y a un miracle. Autant il y a une injustice flagrante au fait que Rotary Connection n'ait pas explosé comme ça aurait pu l'être. Et notamment, à l'inverse, il y a une vraie justice et peut-être un coup de chance aussi à ce que le deuxième album de Minnie Riperton, 1974, qui s'appelle Perfect Angel, décroche la timbale absolue. Et là aussi, grâce à un titre absolument miraculeux. Et un tube énorme, c'est un standard, c'est un anthem, Loving You, voilà, c'est d'une évidence, d'une simplicité, Loving You, c'est une vraie chanson d'amour, et sur un disque qui comble de chance, une chance un petit peu provoquée, et entièrement produit par Stevie Wonder. On n'est pas juste dans l'admiration réciproque, on est aussi dans un vrai travail commun. Amusant d'ailleurs que ce disque est produit par Stevie Wonder, mais sans qu'il soit nommé, en tout cas sur sa première édition. Et pourquoi ? Stevie Wonder, il est en contrat avec Motown. Hein, et Motown, ça dépote. Certes, Motown admire Chess Records et vice-versa, mais on est en sévère compétition. Hein. Il ne s'agit pas de laisser filer ses talents pour aider les copains. Non, non, non, non. Tout ça, c'est contractualisé et on ne rigole pas avec ces choses-là. Alors heureusement, les artistes arrivent à être malins et puis à signer de pseudonymes et de machins qui permettaient comme ça de faire des petits plans en douce. Et ça, c'était, heureusement, c'était fréquent et c'était faisable. Mais on peut imaginer que même Stevie Wonder, avec l'autorité qu'il pouvait avoir à l'époque, Stevie Wonder en 74, s'il bouge le petit doigt, normalement, on lui ouvre toutes les portes. Bah non, il fallait quand même jouer un petit peu des bras pour pouvoir produire de façon autonome les choses qu'il voulait. Donc, il y a un album tout prêt, entièrement composé, donc par le couple Ron Ford Minnie, Riperton, donc. Mais bon, il est un peu court, il manque une chanson. Le standard, c'est 40 minutes quand même. Si Wonder insiste pour on trouve moins de chansons, bah, on n'en a pas. Enfin, trouvez-moi la chanson la plus honteuse là, que vous ayez dans votre catalogue, celle que vous n'osez pas sortir. Allez, vous en avez sûrement une qui traîne. Bon, le couple dit, si, on a une chanson, alors qu'en fait, c'est notre chanson à nous, c'était la berceuse qu'on chantait et qu'on chante toujours à notre petite chérie. Elle a 2 ans, leur bébé, et ma foi, pour l'endormir, il y avait cette petite mélopée, Loving You. Si on en dit, oh, très bien, on prend en fait. Et puis voilà, ils tombent amoureux de la mélopée, ils la font. Et ce morceau va être au sommet des charts. Billboard, hit parade, et alors pas juste les charts R&B si vous voulez, pendant plusieurs semaines d'affilée, joué sur toutes les radios, mais alors vraiment au Texas comme dans l'Illinois si vous voulez, il y en avait un petit peu plus dans l'Illinois quand même, et ce n'est que de la grâce, ce n'est que du miel et une confession d'amour absolument indépassable. Qui à côté duquel les productions de Rotary Connection sonnent comme du trash metal, si vous voulez. C'est-à-dire que là, on est dans du vrai pur sucre, du vrai pur miel. Mais croyez-moi que dans ce genre-là, je crois qu'on a probablement pas fait mieux. Stevie Wonder prête la main à la pâte, il joue lui-même du piano électrique, vous allez l'entendre. L'instrumentation se résume à rien. Il y a une petite guitare, il y a ce piano électrique, il y en a d'ailleurs probablement deux. Et c'est tout, avec quand même, histoire que le mari de Minnie participe un petit peu, et pour le peu, ça rend cette balade presque expérimentale, il joue des field recordings, en fait, de bibliothèques de sons d'oiseaux enregistrés. Et ils sont un petit peu ralentis, parce qu'apparemment, ils mixaient le truc en direct, avec deux Revox, quoi. Deux magnétos à bande sur lesquels il y a ces petits sons d'oiseaux. Et alors, sinon, on fait absolument pas attention à ça quand on écoute la balade, parce que le vrai oiseau, le vrai ange, le perfect angel, comme le dit l'album, c'est bien Minnie Riperton. Et là, vous allez voir, elle donne absolument grâce à sa voix, à son talent. On est de toute beauté dans ces fameux 4 octaves qu'elle maîtrise parfaitement. Loving You, donc la belle, l'ange Minnie Riperton. Et puis, son petit... ces petits oiseaux derrière. Et ma foi, juste après, j'enchaînerai avec un autre morceau de Minnie Riperton, plus tardif, 1979, qui lui donne de la voix à une vraie expression funk disco, dans lequel, bien sûr, le groupe et Minnie Riperton vont exceller. Donc voilà, on va jouer d'un vrai chaud-froid comme ça, avec la balade la plus sucrée du monde. Et après, on va pouvoir se bouger le popotin avec Dancing and Acting Crazy. Donc respectivement, on va sauter de 1974 à 1979 avec Minnie Riperton, donc la chanteuse, et puis l'icône, hein, l'étoile quand même, de Rotary Connection. Out of love and you. Put some water on, and I could not believe. Cargo Cult, toujours avec vous. Et Minnie Riperton maintenant, parce que bien sûr, en rendant hommage à Rotary Connection, on se devait de saluer effectivement Minnie Riperton, et qui, elle, voilà, embrasse une carrière extraordinaire. Vous avez vu cette balade, Loving You. Et ce contraste hein, totalement chaud-froid avec un disco-funk, d'une richesse de production absolument incroyable, trop chic effectivement pour conquérir strictement les dance floors, mais enfin, invariablement quand même stylé. Pour laisser une marque pour le peu totalement intemporelle dans l'histoire de la musique. Et alors, chez Minnie Riperton, c'est même une histoire sociale, parce que Minnie Riperton, bon, en fait, l'année de l'apparition de ce disque, 1979, va mourir d'un cancer, un cancer du sein. À l'époque, la chose se soigne plutôt difficilement. Elle meurt extrêmement jeune. Elle meurt à 31 ans. Effectivement, entre l'album de 1974, Perfect Angel, produit par Stevie Wonder, on l'écoutait, et la disparition de la belle, elle va rester une icône, et certes de la soul music, du rhythm and blues, mais une icône aussi et un porte-parole, justement extrêmement fort, de la lutte contre le cancer. Et grâce à elle, il va y avoir beaucoup de fonds qui vont être développés, beaucoup de recherches qui vont être faites, et puis il y a une amitié assez forte entre Minnie Riperton et le président Carter. Aussi incroyable que ça puisse paraître. Et du coup, le président Carter va faire de la lutte contre le cancer vraiment un de ses mots d'ordre, quoi. Bon, alors qu'il ne le ferait pas, hein, vous me direz, c'était pas juste spécifiquement des recherches aux États-Unis qui se faisaient à ce moment-là. Mais voilà, on était à un moment où le cancer pouvait décimer jeunes, le cancer du sein était très meurtrier et pouvait effectivement tuer une femme de 31 ans à peine, là où aujourd'hui, c'est quand même beaucoup moins le cas, quoi. Donc, le double statut d'icône de Minnie Riperton, il tient aussi à ça, et peut-être même plus à ça, que dans son strict travail de chanteuse, ô combien formidable, en solo, mais peut-être plus encore au sein de Rotary Connection. Bah, du coup, voilà, hein, avec une sortie hommage, où, quitte à prendre le calendrier à l'envers et venir à rebours, je vais vous offrir comme ça 2-3 titres de sortie, extraits du tout premier album de Minnie Riperton. Ce fameux disque, présenté à l'époque comme un disque expérimental. Et Rotary Connection eux-mêmes étaient labellisés comme un groupe expérimental, au sens où il s'agissait de faire une expérience. Il s'agissait d'introduire le psychédélisme à la soul, et surtout se doter des capacités que pouvait offrir le studio à l'époque et les talents d'un arrangeur exceptionnel comme Charles Stepney. Retour donc sur 2-3 classiques comme ça, extraits du tout premier album de Rotary Connection. Un disque qui s'appelle tout simplement Rotary Connection. C'est celui qui paraît en 1967, le tout premier. Et vous allez reconnaître immédiatement un sample ou deux, notamment le classissime sample d'ouverture de Bonita Appleboom de Tribe Called Quest, j'en parlais tout à l'heure. Et ben voilà la source. Et croyez-moi qu'à l'époque, elle n'était pas si facile que ça à trouver. Merci d'avoir été à l'écoute du plus beau et du plus mielleux des Cargo Cult. Je vous retrouverai avec autant d'amour la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Thank you. say you know all about life and that you know why all the lights are turned on. Well, if you're my friend, don't keep me in the darkness, silently waiting the dawn.